Bonjour, bon mardi et bienvenue dans le Morning Bisoy. Nous sommes le 21 avril, il est 7h, j'espère que tu as bien dormi, que tu es bien réveillé. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va essayer de faire en sorte que ta journée se poursuive du mieux possible. On continue la semaine avec du son, du sourire et quelques idées pour avancer sans se laisser manger par la pression. On y va ensemble. Et on lance ce mardi avec un titre qui installe direct une bonne dynamique entre groove et énergie maîtrisée. Voici Feel Good Inc. de Gorillaz sur Bisoy. C'est ce mélange assez unique entre ambiance planante et rythme accrocheur. Ce qui est intéressant, c'est que le morceau joue sur un contraste, une instru presque hypnotique et un refrain qui vient casser la boucle pour relancer la tension. Parfait pour réveiller le cerveau sans le brusquer. Pour la petite minute curiosité du jour, on peut se demander pourquoi certaines chansons restent-elles coincées dans la tête, hein. C'est peut-être ton cas en écoutant Bisoy, hein. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésite pas à nous le faire savoir. Eh bien, tout simplement parce que le cerveau adore les structures simples, répétitives et légèrement imprévisibles. Quand une mélodie passe un peu sous le radar, puis revient avec un refrain très clair, elle s'installe facilement en mémoire. Bref, un bon refrain, c'est un petit piège musical parfaitement assumé. Et on enchaîne tout de suite avec un titre qui monte progressivement et qui finit par embarquer tout le monde, Electric Feel de MGMT. Tout de suite sur Bisoy, bon réveil avec nous. MGMT avec un morceau devenu culte pour son atmosphère à la fois rétro et moderne. Electric Feel, c'est typiquement le genre de titre qui donne une sensation de mouvement tranquille, presque flottante, mais qui te garde bien éveillé, idéal pour un mardi matin où il faut trouver le bon rythme. Et on va passer tout de suite au bon plan culturel. Vendredi 24 et samedi 25 avril prochain, c'est cette semaine, c'est dans quelques jours, rendez-vous à Aix-en-Provence pour profiter du festival La Sainte Rock. Ça se passe à la salle de concert le Sismic, tu pourras y trouver et y retrouver des artistes comme Deportivo, Cashmere, Wicked Elephant, Revival et tellement d'autres. Si tu aimes le rock et que tu es dans le coin, ce festival est fait pour toi. Et de mercredi à samedi, c'est cette semaine toujours, direction Pézenas pour le Printival Bobby Lapointe. 4 jours de concerts, de découvertes et de fêtes autour de la chanson francophone. C'est déjà la 27e édition, donc je te laisse faire le calcul, hein. Ça a été créé en 1999. Et fait intéressant, tu pourras assister à un concert intégralement chansigné en LSF. Hein. Le LSF, c'est la langue des signes française, pour que toute la musique soit partagée. Pour te donner quelques artistes qui seront présents, tu auras Zaza Fournier, Mathilde ou encore David Walters. On reste dans une belle tension positive avec Are You Gonna Be My Girl? Est-ce que tu seras ma fille, ma femme de Jet? C'est tout de suite sur Bisoy, reste avec nous. Et en attendant, tu peux bien sûr aller te chercher un petit truc à boire si tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, un verre de lait, un café, un thé, ce que tu veux, un jus d'orange, un jus de fruits, un jus de pomme, un jus de ce que tu veux pour te mettre bien en ce mardi matin avant d'aller au taf. On est là pour ça et je te dis à tout de suite sur Bisoy. With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me, but you are with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me, but you are with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Are You Gonna Be My Girl de Jet. C'est un morceau direct, sans détour, qui va droit au but. C'est exactement ce qu'on aime sur B-Soy. Pas besoin d'attendre 3 minutes pour sentir l'effet. Ça arrive, ça accroche et ça réveille. Allez, on termine tout doucement avec l'horoscope B-Soy de ce mardi 21 avril. Et on commence par les béliers. Tu prends l'avantage si tu vas à l'essentiel. Taureau, une discussion calme peut débloquer quelque chose. Je l'ai toujours dit et je le répète, la communication, c'est le plus important, que ce soit en amour ou en amitié. Gémeaux, journée propice aux idées rapides et aux bons échanges. Cancer, fais confiance à une sensation, elle ne ment pas. Lion, tu peux briller sans forcer, laisse venir. Vierge, un détail pratique mérite ton attention ce matin. Balance, joli équilibre à trouver entre envie et réalité. Scorpion, ne sous-estime pas un petit geste, il peut compter beaucoup. Sagittaire, bonne énergie pour tenter un nouveau rythme. Capricorne, tu consolides et c'est déjà très solide. Verseau, une inspiration inattendue peut te servir aujourd'hui. Et enfin, Poisson, la douceur sera plus puissante que la précipitation. Allez, merci de t'être réveillé en ce mardi matin avec le Morning B-Soy. On se retrouve dès demain à la même heure, donc à 7h, pour une nouvelle dose de musique, de curiosité, de bon état d'esprit et de bonne humeur. Et si tu ne veux pas attendre demain pour avoir une nouvelle dose de musique, tu peux rester branché sur B-Soy. Et tu sais pourquoi? Car B-Soy, c'est LE son qui bouscule les codes. Allez, salut et à demain!